Joseph Maslin, ou c'est un monde qui a vécu ici dans le bassin Caïman, et puis qui vivent événements que tout le monde relaie événements boy, côté tout le monde qui a passé dans la localité, ça, dans la zone. Ça. Est-ce qu'on va parler pour nous en long et en large, ça qui est arrivé dans le milieu ça? Bien content, je vous dis, pour me rencontrer avec auditeurs, camarades reporters radio Haïti Inter. On est capable de raconter un peu de péripéties mon paboricien. C'est pour me dire non que paboricien depuis longtemps nous était toujours à goumer pour ne pas quitter mon faire ça ouvler avec nous. C'est comme ça nous te contribuer pour te déchouquer Jean-Claude Duvalier en 86. Et depuis lors monsieur Gros potentat nèg spéculateur yo mal complot pour nous. Pour qui ça a privé faire avec nous. Mais tout ça a été essayé de faire, pas de privé convaincre nous. Nous avons vécu une lampie par moyen de coup d'état à 91 ans. C'est le ça, monsieur a commencé à frapper nous. Pour qui ça? C'est parce que, je suis capable de dire, je suis capable avec vous, hein? C'était représentant pour Communo Boy, gouvernement Aristide, pendant l'élection. Et deuxièmement, après l'élection que le président a fini élu, moi-même c'était agent de formation pour l'arrondissement Boy et Pomago. Marc Lamou lui-même, il était vice-délégué pour l'arrondissement Boy et Pomago. Ça veut dire, avec lutte que nous avons menée, hein, l'invité un gouvernement légal, démocratique, et bien nous avons une chance pas nous pour nous participer, pour nous comment nous avons sorti pays dans l'état qu'il y a. Et le coup d'État fait, ou qu'on a un coup d'État qui fait là, il n'est pas dans l'intérêt de ma peuple là. Ça veut dire qu'il n'est pas dans l'intérêt pas nous tous. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas travailler avec un grand monde. Nous ne pouvons pas travailler avec un petit groupe de monde qui veut tout pour nous. Nous devons travailler avec un grand groupe là, qui a passé mise même avec nous. Hein. Eh bien, le coup d'État fait, qui n'est pas dans l'intérêt de monde, eh bien, nous-mêmes, nous sommes même pour là, côté masse là, souffrir. Et cela, ça, le 3 pour le 4 décembre 91, messieurs militaires fait apparition dans Oboy, spécialement dans le bassin Caïman, qui se situe dans la section Boucan-Michel. Eh bien, le ça a été brûlé Caï Mac Lamou, vice-délégué, et a été brûlé Caï Étienne Lamou, mon cousin, et a été à la recherche de moi-même tout, pour être brûlé Caï moi. Mais malheureusement, le monde que a été pris, c'était une dame Mac Niavel Clin en boucle. Eh bien, l'autre a été accompagné de dame ça. L'on te mandé dame ça pour le mener la caille moi pour te venir prendre moi et bien dame pas de compte caille moi yo te lapide dame là en pile et le ça nous même nous te à la civerse parce que nous connaît coup d'état qui ben là vagabond dehors et puis nous t'a suivi et tout et bien sur le ça il te commencé faire première attaque 3 pour le 4 décembre 91 et puis par la suite expliquez-nous reste fait où bon et bien pendant 3 pour 4 décembre 91, monsieur Fin fait première apparition dans le bloc là, eh bien, nous pas suspendre persécuter. Côté aux jeunes forces, ça, les jeunes forces là, dans les spéculateurs qui dans la ville au boy et dans Tibouko boy. Pour qui ça? Parce que nous-mêmes, groupe nèg pas boy ici, qui gagne Mac, la moi la tête li, que paysan au très coûté, te rivé. Fondé en coopérative café, il fondé en coopérative cacao, coopérative cacao arélé frères unis et coopérative café à et le cabo là et spéculateur dit bon si pour la tirer tout avantage ça on en met pour faire paysan gen doit mettre dans le ensemble et les denrées ça arrivé dans la coopérative la prend dans mais yo li baille un petit chocho et li expédie dans les ça à vendre dans pays étranger et les gros magogo l'argent retourné yo vinn reparti à tout petit paysan que te mettez dans yo ensemble ça vinn font gros l'argent mais si yo vinn senti que yo perdi en pile et yo vinn note pas grain yo dit pas gen l'autre monde qui associé avec paysan yo qui a pourvu je paysan yo yo note un sur de monde spécial on dit c'est Mac Lamou. C'est Maslin Joseph, c'est Étienne Lamont, et bien, pas de l'autre bagaille, il faut que vous fassiez avec M. Sao. C'est comme ça, dans le coup d'État, M. Sao verse gros magogo, il la médaille d'Haïti. pour la médaille d'Haïti commencer par simer repression tribord et bâbord. Ça veut dire la médaille d'Haïti pas seulement rété pour frapper avec moun qui dans bassin caïman. Yo commencer par craser moun, craser caï qui dans Margo, yo section qui coule avec nous. Yo commencer par craser Tirivière. Yo commencer par craser Champagne. Pour qui ça? Parce que tout bloc ça yo, ce bloc côté nous gagne contrôle sur yo parce que moun yo union en coopérative pour voir comment changer visage la vie paysan. Le nan 25-26 avril, la médaïti débarqué nan bassin Caïman, yo boule kay, yo fait tout zak que la presse te rapporté yo. C'était parce que d'après ça et d'après rapport la médaïti débarqué, c'est parce que Mac Lamou c'est un communiste, li gon paquet l'autre petit communiste avec lui et nèg sa yo gen zam, gen gros zam fan fois. Pour bailler la médaille, le problème, c'est ta raison, ça, d'après rapport, qui ta cause que le débarquement est fait. Est-ce que bailler ça a un pas de vérité là-dedans? Bon, tu es capable de dire que la médaille lui-même, lui toujours cherche un série d'arguments pour le mettre sous le monde. Le besoin crasé, brisé. Mais qui n'a pas aucun fondement. Il a parlé de communistes. Il voulait dire nous avons une relation avec Cuba. N'est-ce pas? Mais nous connaissons avec Geoffrey là, tout pays communiste déjà, Kaba, et puis tout. Nous parlons qui intérêt nous avons gagné, nous avons un petit groupe pour nous dire que c'est communiste nous ou bien guérilla. C'est toujours mettre fait mandat ça pour nous. Et puis pour nous dire bien tout, si vraiment le mot communiste, j'en vous dis, si c'était saleté, vrai, la médaille, tu n'as pas là dans tout. Parce que tu as vivant chien, j'en le dis là. On, parce que c'est ton communiste qui veut dire, mettez ensemble, partagez souvent besoin de mon langue. Et bien, la médaille, tu as bien caille pour petit lit, dormir, tu as bien l'école pour aller, tu as bien manger pour le manger. Il va t'as vivre à la pauvreté comme ça. Nous avons travaillé dans le tout, s'il te comprend. D'abord, nous ne sommes pas communistes. Et nous ne sommes pas communistes. D'abord, je voulais dire mon communiste. Lorsque tu es venu craser, nous ne pas ici. C'était avant, tu conduis nos communistes. Mais dites toi d'après nous, mon communiste, non, t'es jeté mon communiste, non. Comprenez? Bon, pour me dire bien, mais si on dit que c'est nous-mêmes qui t'es préparé à ta caïfé sous yo, c'est ça on dit. Mais c'est pour nous chercher raison, pour nous dire, première raison qui fait que nous besoin craser nous pas bon ici, c'est le 4 février, 1986, nous avons fait manifestation, même dans tout le pays d'Haïti, nous fait manifestation pour dire à bas Jean-Claude Duvalier. Comme nous connaissons, Madame Jean-Claude Duvalier, c'est Moun Oboy, nous avons pensé que Moun Oboy n'a pas dû faire manifestation contre Jean-Claude Duvalier avec Madame Li. Mais nous avons dit qui ça a fait pour Oboy, c'est même si ça a fait pour tout l'autre côté, c'est comme ça a fait nous tout, nous avons fait Charles Barry derrière. Les soldats qui étaient cantonnés dans l'avant-poste Tibou Koboy, étaient ouverts coup de zam sur la population. Ça, c'était le 4 février 1986. Là, ça, la population même, te répond à l'appel coup de zam, avec des pierres, des bâtons. Ils étaient arrivés victimes de chefs section. Et c'est depuis le ça. L'armée d'Haïti écrit nous en grande lettre comme moun pour marcher chercher n'importe qui là. Ça veut dire que yo préparé de pièges pour nous-mêmes. Pour ouais, chaque fois gros événement est-ce que on pas le marcher attaquer nous. C'est là ça. Si nous avons dit bien. C'est tout simplement yo depuis 29-30 septembre 1991 monsieur mettait blocus pour nous. Nous pas qu'à monter pas boy. Sont ici à pour aller la ville au boy. Nous pas qu'à Tibou Koboy, soldat quand on est là avant poste là. C'est tout de suite, c'est des petits monde qui te prend chance à y chercher un bagaille. Quand pour essayer à chaper tête pour pas rentrer venir avec eux. Et puis monsieur ouvert coup de zame derrière, dit que c'est nous qui attaque avant poste. De qui de toi parler là? Nous voulons parler de 8-9 avril qui année? 94. Mais si tu as suivi événement ça passe dans mon zone ça même qui fait gros écho dans la presse à travers Haïti, l'autre pays étranger. Et c'est expliqué nous les nègres débarqués ici, à ça passe exactement parce que okay. Jusqu'à présent quand pile bagage qui caché. Bon, c'est pour me dire clair, heureusement que faire pile bagage caché, nous pas des journalistes. C'est clair, nous pas des radio qui est nous pour nous. Parce que avant passons notre deux presse pour nous faire ouais. Est-ce qu'il bagage bagage qui pas pour eux là-dedans. Deuxièmement, peuple a pas gagné l'idée à travers pays. Ça fait que tout ça qui a passé été confisqué et puis lui-même c'est lui toujours à bail pour des charges. C'est pour nous dire clair. Messieurs, après 8-9, ils ont fini de faire attentat à ces messieurs. Quand ils ont même, ils ont fait tout ça qui est possible avec groupe de monde qui les frappe, attaché, zinglendo, qui a marché violer les femmes, violer les timoun, voler, piller, etc. Tuer. Eh bien, ils ont fait des rapports à 9 départements géographiques là pour dire que Marc Labou est un groupe de guérilla qui menaçait l'armée d'Haïti. Et ils ont demandé gros concours là, ça, pour plonger par bord ici. Et finalement, 25-26 avril 1994, des soldats sortis dans le nord-ouest, en parlant du port de paix, sortis dans Gonaïve, sorti dans Port-au-Prince, sorti dans Saint-Marc, sorti dans Lembe, sorti dans Ocap, sorti dans Oboy, sorti dans Wanamette, et sorti dans Fort Liberté. Ils ont encerclé tout bloc qui est le bassin Caïman et Tite Rivière. Non, mais là, pas les militaires militaire sorti dans toute zone ça. À combien de notes qu'a évalué militaire qui débarqué dans la zone 25-26 avril? Bon, c'est pour nous dire bien. Parmi militaires, tu as un yon qui a un bon lien avec moun bal nous, qui a essayé de nombre. Nombre, c'était 700 soldats qui débarquaient ici. Qui débarquaient ici. Et avec des gros armes, des armes comme Rocket, un capable de Zamia Babo M16, bon, je vais dire. Même nous, nous ne connaissons pas. C'est seulement son. Si nous avons une possibilité pour te faire un instrument, peut-être si nous avons un laboratoire, côté qui fabrique des gros armes, qui te carré ça, ce sont telles armes que nous avons lagué. Et nous avons tout bloc là, qui ça a fait. Ils ont brûlé les cailles, ils ont tué les gens, ils ont violé les filles, ils ont coupé les jardins. Ils ont enlevé des animaux. Non, l'on dit enlever, ça veut dire. Ça veut dire, ils ont pris tout ça à nous posséder. Ça veut dire, le jardin banan, le jardin yom, le jardin maïa, le jardin poire, ils ont passé manchette, ils ont coupé, ils ont mis à terre, ils ont etc. Mais, là, ils ont joué ces bœufs, ces cochons, ces cabrites, ces poules. C'est bonhomme qui déjà rec, eh bien, il prend tout ça, maintenant, machine à avec des attachés qui ensemble avec eux, prend mallette qui en dedans, car nous, ou qu'on est à l'époque ça, tout nèg obligé de prendre tout son gain à le fourrer en barrage, à le fourrer dans tout roche, eh bien, il marche avec des détectives, dans la commune même, qui ramassent bagages ça, et puis aller avec eux. Mais si nous faisons une évaluation, qui va les monde qui mourir dans l'attaque ça? Bon. C'est pour nous dire, à travers que deux formes de mort qui passaient par Borussie. Deux morts, c'est les gens qui mourent par coup de bâton, dans la caserne, nous pas capable de dire qui quantité. Heureusement. On a parlé de l'événement, ça même, ça a la médaille qui fait. On dit que deux formes de mort, deux monde qui mourent, c'est par coup de bâton, deux monde qui mourent, tout, c'est par coup de âme à feu. Les gens qui mourent par coup de bâton, ou de sangra de torture, hein? Nous ne pouvons pas dire combien ils sont, pour qui ça. Parce que il y a des gens qui ont une famille dans Port-au-Prince, qui ne connaissent pas ce si grave comme ça pour nous, pas bon ici, qui ont une famille. Leur petit bout, si c'est bâton ou bâton, ou mourant par bâton, c'est pesé, gorgette, pour un couteau, couper couillot. Ça veut dire que. Famille moun sa konnen le Port-au-Prince. Moun Port-au-Prince menite yon soti konnen li ici. De même, moun ki descend au même, tout même genre. C'est comme ça, bah, la fête. Ça, c'est un. Nous, quand on dit ou pas bon ici, dans ce sens-là, il y a plus de monde qui mourit. Prenons par exemple, dans mon ou ma panneau là, quand c'était Dassus qui mourit dans ce sens-là, coupé coup, c'était Jean Dezy, Alphonse Saint-Fleur, c'est Jean Dezy qui est responsable, barré ça, avec la médaille Haïti. Nous gagnons Odysse François, qui est sur le Port-au-Prince, ça arrivait. Nous gagnons Séraphin Augustin, qui est sur le Port-au-Prince, Saint-Domingue. Mon nom, te gon moun ki nan avan pas da ki wè lè ou tranglè nèk sa. Si nan pale de mò kout bal, nou kapab di ou bien. Le mè si yo vini basen kayman 25-26, yo rakonte yon personaj avèk yon gason ka plonje bèf. Yo di, oh, mè si yo la plonje bèf, sa se la, mè la iti avèk atache yo. Di, la plonje bèf, yo di, oui. Yo di, vien bale nou. Mè si yo ti jan retone. Yo di, vini ak bèf la. Yo vini ak bèf la. Yo koupe kout bèf yo. Yo mare mè si yo. Et vous avez adjoint mené bef yo. Et qui moun ça? Son certain Octave Joseph, yon boss maçon, avec yon garçon qui est le Jorel Joseph. Eh bien, qui ça a fait pour yo? Yo mari yo. Yo dit, c'est pour nous qu'on a bon. Monsieur, vous m'accepte, parce que dans la région, il y a plus des animaux. Et qui ça qui passe? Un, Jean-Marie Voltaire, chef section Mago, qui était là, il prend un nom bef yo pour lui-même. Ça c'est un Alphonse Saint-Fleur. Prenez un nom fio pour lui. Et là, on arrive. Et on compte que les ambas en monde avec messieurs. Gros soldat qui est le Deïs. Avec un autre soldat qui est le Nelson. Mande de mounsa. Est-ce que nous reconnaissons nous? Yo même, yo pas connu par là. Yo dit oui, nous reconnaissons nous. Il dit qui mounsa? Il dit ça, ça c'est Caporal Nelson. Ça c'est Caporal Deïs. Ça chef section Jean-Marie. Eh bien, yon fizye tout de moun sa au même côté, papa petit. Ça se yon. Deuxièmement, yon rencontre yon certain Jean Suis Jean, qui gen yon pan et plan sous tête li, qui gen yon plan yon, plan tayo, nan sous tête li. Yon dit, Jean Jean campé là, il campé, yon fizye l. Yon massacre en pile l'autre moun. Par exemple, yo tire en certain Norius avec un pilote mon à travers de toute commune. Et ça contingent étonné moi. Et l'homme rivé au boy ou pourquoi j'aime rivé Tiboko boy parce que nous-mêmes nous avons été route pour nous battre sorti la ville au boy pour rivé Tiboko boy et l'homme Tiboko boy pourquoi j'aime rivé Bassin Caïman. Parce que nous gain pour nous marcher plus que une heure de temps pour nous arriver à Bassin Caïman. De Tibouk à Bassin Caïman. Et toute cette route là, c'est de l'eau seulement à traverser, retirer bagage dans pied pour nous arriver là. Qui côté monsieur l'armée ça au passé? Qui côté monsieur soldat la médaille ça au passé pour arriver là? Bon, pour monsieur arriver là, il était obligé un groupe de passer par Pilate. Yo vinn sorti au côté que les postes l'étant en haut tête nous entre section Tour d'Enfer et Boucan Michel et Dibou sous Pilate. Yo groupe passé par en Safouleur. Yo vinn de mon côté que les deux dipons et puis occuper Champagne Mola pour vinn couvrir descendre sous ti rivière. Et l'autre gros groupe là sorti l'imbé au cap et tout l'autre côté me sorti té là dans machine et puis yo cantonné dans toute zone yo jusqu'à ce que vinn fermer nous. Et qui et sa population ferme dans le moment où les âmes ont tiré? Quelle population est comment défendre tête li? Bon, pour me dire bien, politique c'est politique, on ne peut pas jouer avec ça. C'est tout simplement pas capable de dévoiler toutes ces craintes paysans parce que lutte pas encore finie. Ils n'ont pas arrêté ma coupe, ils n'ont pas jugé criminel. Ça veut dire préparer le complot toujours, nous pas capable de toutes ces craintes. Mais quittez nous en passant. Un, paysans ont été obligés d'évacuer ou bien, ou du moins, voyer toute forme à Timoun dans l'autre département. Et garçon était sur le terrain. Garçon obligé servir avec Sandré les trompettes, un bras, nous gagnons qui gagnent deux bords. Le mauvais temps, c'est le canon sur ça, parce que les changer, bois, vin, bois, couleur blanche, là, ça déjà montré que mauvais temps. Il fait gonner et il gagne bambou. yon bras nous kon glisse pa bo ici. Là nous wè dans danger la vie nous menacer comme ça c'est gros coup de zam. Nous kon préparer dehors du feu. Nous mettons pile bois et puis nous couper bambou yo pané. Nous mettez chita dans du feu hein. À la minute que nous tendez monsieur tirer non bloc eh bien nous lui met du feu hein. Gros bout de bambou a pété con et ces gros âmes tout et puis nous même nous calons distance qui carbon nous même une heure de temps de distance côté du feu hein. Et puis au même le ça y a marché vide coup de zam on va le river ouais c'est du feu mais bien que on découvre yo un bout de bambou c'est pas brûlé là ouais c'est gros du feu ba yo. Nous faisons publicité pour dire que c'est gros âme nous gagne nous tirer derrière. C'était un affrontement, ça on le dit. C'est ça, on le dit. Mm-hmm. Mais qui t'aime dire nous? Un homme qui n'a pas un âge de 3 ans, qui n'a pas mangé, qui n'a pas boué, qui n'a pas dormi pour vivre vagabond, zenglendo, qui a vécu violer femme, petit monde, etc. Nous n'avons pas aucun nègre qui voyage dans le pays étranger. Nous avons un nègre qui est dans le pays étranger, vous voyez? Mais ce n'est pas un nègre qui n'a pas fait politique, qui est peuple, qui est changement. Qui est sans paysan. C'est nèg cap la ité ko la cablan et puis yo bien. C'est connait nous après boute un peu vous venir manger mes amis avec nous. Peut-être de ça on va prendre une génération. Côté, nous pas gain nèg qui fait étude dans notre pays. Nous pas gain nèg savoir qui capable faire invention. Qui capable faire même un bout pistolet. Côté pour nous jeune zam. De 3 ans coup d'état. Nèg yo fermé non côté. Côté pour jeune zam. Nous utilise moyen que nous gain là même nous. On bon pour nous hein. Si nous avons fait des gens qui ont peur, pourtant, nous avons fait des criminels. Vous comprenez? Et puis, ils ont même monté dans la radio pour dire que des un groupe de guérilla. Bon, nous avons dit ça, messieurs, puisque nous venons dans un temps qui part trop normal. Si messieurs connaissent ces guérilla qui sont là-bas ici, ou bien, si vous avez connu Max, son petit groupe Monigan, à travers la commune qui a cette section communale, nous ta fait appel à la population pour nous et moun qui a réuni qui voulait ouais changement ensemble avec Mac ensemble avec nous même tout mais les gars arrivés ici là non seulement ont tué moun ont tué les animaux ils ont arraché toute plantation que nous avons bien allé et ils ont boulé caille tout est-ce qu'on a pas non estimation qui va les caille qui boulé parce que dans pile caille qui boulé nous vérifions nous et qui va les caille qui boulé dans zone exactement parce que nous arrivons de tous côtés bon. Pour nous dire bien, nous gagnons de liste qui dressent là, mais qui t'en a même en présent là. Même capable de dire, à travers la section Mago, yon seul jour, mais si vous te passez, vous te brûlez 194 cailles. Yon l'autre fois, vous brûlez 121 cailles. Ça c'est deux chiffres qui sont morts pour Mago. Dans le bassin Caïman, il y a à peu près 94 cailles qui brûlent. De notre tripot pour les Maslari dans la petite rivière, il y a plus de 300 cailles qui brûlent. Dans la section Champagne, il y a plus de 300 cailles qui brûlent. Il faut qu'il y ait un effectif à 800 à 900 cailles qui brûlent. À travers Mago, Bassin Caïman, Boucan Michel, Tite Rivière, Champagne. Quand nous boulons, jardin nous ravager, nous faisons pile perte. Et je ne dis qui j'en paysan, nous-mêmes, comment nous organisons nous pour nous vivre dans la section 1 après toute calamité ça va nous faire passer? Bon. Nous-mêmes, c'est un bagaille qui fait nous plaisir gris. C'est parce que nous-mêmes, ce peuple pays à nous travaillons pile pour pays à parce que nous produisons du café, cacao, fig banane. Mais nous pas jamais rien qui vient de nous comme revenu. Même yon l'école nous pas gagné. Eh bien, petit, nous-mêmes, nous parlons avec nous, nous avons un homme de 10 petites. Coup d'état, ça, voyons tout à y jeter de l'autre côté. Cap vive, à la merci beaucoup, qui pas gagné aucun aide. Moi-même, je suis responsable d'information dans le gouvernement Aristide là, et actuellement, je suis responsable encore. Mais c'est pour me dire nous bien, nous-mêmes, comment nous vivons. Même les messieurs qui viennent matin, ils viennent tirer coup de zame sur nous, nous avons veillé qu'il ait quitté bon 3-4 heures, 5-6 ans dans un barrage pour nous essayer de planter un pied figue. Parce que nous connaissons besoin de la vie. Parce que nous connaissons pays assez pour nous ne pas faire quoi, nous ne pas l'autre, nous ne pas faire zinglendo. Eh bien, nous avons dit, nous vivons, c'est avec les gens qui ont bons parents, qui a vivent l'autre côté quelquefois, qui checkent avec nous, et qui permettent à nous de vivre plus mal pour nous, parce que nous avons pour nous recommencer le travail. Nous n'avons pas de plan, parce que le plan de gagner, mais si vous coupez, nous n'avons pas de cob, parce que les animaux qui ont de nos cob, mais si vous volé yo. Nous ka di nous même en rayon, l'en di en rayon ça veut dire nous pas gain bon rade. Ça monsieur pas te volé, yo pour en barrage. Examinons 3 ans sous gon vieux rade ou mettez en montou roche 3 ans pas ka mettre la caille ou vinn pas gain caille. Ça veut dire nous ka di que nous vivre avec moun nous gagner qui l'autre côté connaît de nous l'air ouvlé. Et puis avec nous-mêmes qui toujours résident Marie Saint-Inou, avec Tekken, nous toujours le monsieur vient tirer le matin, après-midi nous plongeons pour nous qui sommes nous café. On ouais, caille boulé et nous perdons pile bagaille, gens sont là. Et est-ce que qu'on y a là un mouvement qui fait bon côté nous, bon côté quelque autre instance pour nous reconstruire caille ça? Bon, moi-même, je fais partie d'organisation ANOP. Qui guère de base qui OR. Ça veut dire c'est organisation rassemblement de défense paysan yo. Nous pourquoi je aide. Tout simplement nous écrit des lettres à gouvernement mais nous pourquoi je aucune réponse. Gender ONG nous fait des démarches bon côté yo. Yo pourquoi répondre nous à l'appel. Il n'a continué faire ça. C'est bon, Gomba est venu et tout. Et c'est vrai, un pile bail est passé dans un an, on reçoit des gens d'un côté, 200 cailles boulées, 300 cailles boulées, on fait même une estimation entre 900 et 800 cailles qui boulées par exemple. Et est-ce que vous êtes capable de dire combien de jours exactement ça a duré, coup de tiré, combien de jours ça a pas, combien de temps ça a duré, si on se mène, combien de temps? Aïe, ça a demandé un pile. Nous commençons à persécuter le 4-91, ils font un petit bout de temps, qui dirait nous à peu près un mois. Et après deux mois, ça, nous commençons à persécuter par des rumeurs, par des attaques qui n'étaient pas trop nombreuses. Mais depuis le 9, depuis le 9 avril 94, juste arrivé 25 avril, mai, juin, juillet, jusqu'à tout mois, ça on a persécuté. Non, mm-hmm. Le palo, ça dit, l'attaque a commencé à une date, combien de kills qu'il y a de fin de craser zone, non, fin de ça, t'as fait. Bon, nous avons dit que nous venons à leur souffle à la minute que la commission mettait pied la terre en Haïti. Côté force américaine mettait pied la terre. Ça que dit ça parce que monsieur Tevin cantonné dans Tibouko boy même ça veut dire chaque jour prend ça maintenant d'eau après on fin brûler caille il a la recherche qu'on y a vu par un caille à la recherche moun ça veut dire même si on peut se quitter c'est jusqu'à ce que monsieur mette pied là pour Port-au-Prince nèg yo levé le 25 septembre yo couri et puis c'est là ça nous si on peut se quitter nous attaqué d'après raison qu'on nous c'est parce que monsieur spéculateur vient nous que pas capable jouir encore de avantage travail nous la famille Bennett surtout bon famille ça qui c'est en famille spéculatrice qui job yo c'est acheter café acheter cacao pour exporter faire l'argent sous nous nous même comme paysans nous organiser nous c'est ça nous organiser nous pour contrôler question et acheter café et vendre café hein. Et puisque tout événement ça a passé dans qui point nous aujourd'hui est-ce que le mouvement ça a continué toujours bon nous t'es quand t'as gagné bien nous t'es quand t'as fait nous t'es quand t'as acheté machine cap rouler pour aider paysans à transporter produits que vous gagnez c'est pour me dire que majorité dans monde qui t'a travaillé dans coopérative là qui mettent la coopérative là, de 3 ans coup d'État, nous pas capable fonctionner dans la coopérative là. La coopérative là vient d'être dans mon petit groupe de monde. Et petit groupe de monde, ça, ils viennent engendrer dans la frappe. Ils viennent attacher. Ils viennent allier la mer d'Haïti. Ça veut dire ramasser tout bien coopérative là en bas. Par exemple, nous avons un Lixon Joseph qui habite au Cap-Lachet, qui a tout bagaille. On sait que ça a 29 000 goudes dans le même. C'est comme ça qu'on a ramassé tout bien coopérative là. Ça veut dire qu'on n'y a pas rien qui est stable jusqu'à ce que pour nous travailler comment on appelle le parti coopérative là. C'est simplement nous capables de dire Caillou campé là. Caillou campé là. Mais capital coopérative là même, nous pouvons dire côté lié. Parce que M. Sao, c'était allié chef yoté, c'est avec yo même yo man ba chef l'argent, c'est avec yo même yo vin rentre en base la chef, yo manje comme ça, comprenez? Ça veut dire qu'on y a, ba yo poko ka, yo poko ka pédaler. C'est pas que moyen pour nous récupérer l'argent que nous avons, M. Sao. Bon, pour nous récupérer l'argent, Sao, il y a deux possibilités pour nous récupérer. Un, il faut que tu aies un changement tout bon vrai, en dans le gouvernement avec des gens de bonne volonté, qui te cap des changements dans la justice, côté que tu as droit à déposer plainte, et puis tu as des gens qui sont au service pour mettre main sur le monde. Mais pourquoi gagner? Non.